Salut, c'est Adrien Fourmeau et bienvenue dans l'émission Auto Hebdo. Salut à tous, et effectivement aujourd'hui on reçoit Adrien Fourmeau. Adrien, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bienvenue dans le studio de l'émission, on est avec Cyprien ici. On va donc revenir comme d'habitude dans cet entretien sur ta carrière, Adrien, tout simplement. Et comme d'habitude avec les différents épisodes qu'on a déjà pu faire, on a devant toi donc 5 petites cartes avec le logo Auto Hebdo. Je vais t'inviter à prendre la première carte qui va être une photo pour commencer, qui est une photo assez récente en plus. Une belle photo d'ailleurs. Ah, oui. on a pris du beau, on s'est dit, ouais, on va faire plaisir à l'invité. Donc ça, c'est ton rallye de Suède. Rallye de Suède 2026, ouais. 2026, et forcément, oui. On voudrait d'abord te parler de la saison en cours et de ce début de saison, Adrien. Quel bilan tu tires, toi, de ces deux premiers rallyes pour l'instant en championnat du monde? Eh bien, j'ai envie de dire un bilan plutôt, on va dire 50-50. Mmh. On peut dire que je suis assez content d'être le premier des autres pour le moment. Mmh. Mais un peu déçu de ne pas réussir à suivre nos coéquipiers dans l'autre marque qui se bat face à nous, quoi. Donc, ouais. Donc c'est assez frustrant. Mais voilà, on a fait 2 courses, il en reste 12. On sait que voilà, le Monte Carlo et la Suède sont quand même 2 rallyes isolés de la saison qui ne ressemblent pas vraiment à d'autres rallyes. Donc j'ai plutôt espoir que sur les autres manches, ça se passe beaucoup mieux. En tout cas, voilà, je me sens bien dans l'équipe, on bosse beaucoup. Il faut savoir c'est que l'équipe bosse beaucoup, ils n'abandonnent pas, on fait beaucoup d'essais. Donc j'ai espoir que ce soit positif. Est-ce que tu t'attendais à ce que cette saison, vous soyez encore plus loin finalement de Toyota peut-être que l'an dernier, ou t'espérais que vous arriviez à réduire un peu ce gap avec eux? Non, clairement, on espérait réduire le gap. On sait que on savait que sur l'asphalte, c'était un peu le côté compliqué de la voiture Evo. On ne pensait pas en Suède qu'il y ait un écart comme ça. Par contre, quand on compare, par exemple, nos temps par rapport à l'an dernier, au final, on est mieux à chaque fois. Mais Toyota était moins bien l'an dernier. Donc c'est vraiment, je pense aussi, Toyota qui a réussi à faire un step. Ouais, ils ont fait un vrai, quelque chose sur les pneumatiques, sur la voiture, sur comment faire fonctionner le pneumatique sur la neige. En tout cas, ils ont trouvé quelque chose que nous, on ne semble pas avoir trouvé, du moins sur la neige. Le Monte Carlo, c'est un peu différent. On savait que sur l'asphalte, des grips changeants, c'était pas l'idéal. Et on a vraiment eu les conditions les pires pour nous. Donc on a juste un peu réussi à sauver un peu les meubles. On fait quand même des bons points. Hein. Je marque quand même 17 points, quasiment ex aequo avec Sébastien. Donc ça, c'était positif. Mais voilà, il nous en manque sur ces grips changeants. On sait quand même que derrière, on arrive sur des rallyes un peu plus classiques, on va dire. Oui, c'est ça, ça va être de la terre, de l'asphalte, des choses qu'on connaît un peu plus. Tu parlais en Suède notamment des amortisseurs. Tu penses que c'est l'un des axes principaux qui a fait qu'il y avait l'écart avec Toyota sur les deux premières manches ou... Je pense. Je pense qu'ils ont réussi à trouver quelque chose pour faire fonctionner ces pneumatiques. Je pense que tout le monde parle des Hankook, mais c'est pas forcément pour dénigrer le fabricant, mais plus sur le fait que ça nous demande aussi, nous, avec l'équipe, à travailler dessus, essayer de trouver des solutions. Je pense que l'an dernier, on s'est retrouvé avec une grosse charge de travail entre découvrir la nouvelle voiture, l'Evo, mais aussi découvrir les pneumatiques en même temps. Je pense que le timing n'était pas forcément adéquat. Je pense que Toyota a pu vraiment se focaliser sur ça. Peut-être qu'ils ont trouvé des choses que nous, on n'avait pas forcément analysées. Donc voilà, mais bon, sur la terre c'est beaucoup plus neutre, on sait qu'on était performant, on a quand même fait 1-2 sur la dernière course sur la terre l'an dernier, on arrive au Kenya, donc je suis beaucoup plus confiant là-dessus. Toi, le Kenya, c'est un rallye que t'apprécies, que t'as hâte d'affronter de nouveau? Ah, le Kenya, c'est un rallye magnifique humainement, c'est un rallye magnifique aussi dans le challenge. C'est pas forcément le plus fun à rouler, parce que on roule un peu toujours... dans la réserve, parce qu'on sait que le risque de crevaison, il peut toujours se passer quelque chose au Kenya. Donc on a toujours un peu cette réserve, mais le challenge de parcourir ces spéciales qui ne sont pas naturelles visuellement, elles sont hyper naturelles dans le sens où on est vraiment mieux la nature, mais elles ne sont pas dessinées comme une vraie route de rallye où on a vraiment. Même visuellement, on arrive à voir. Parfois, on est au milieu d'une prairie. C'est du rallye raid, presque. De la savane, oui, quoi. Ouais. Et la route, elle fait à peu près gauche-droite. On a du mal à voir visuellement en arrivant à 150, 160. C'est assez difficile. Et ça demande beaucoup d'essayer de trouver des repères dans les notes. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on rajoute dans les notes. Enfin, dans les notes, il y a des 300 mètres, tiens la droite, 100 mètres, petit ciel au buisson pour essayer de mettre un petit repère. Ouais. On a essayé de prendre des repères avec les animaux, mais en général, à chaque fois, je ne comprends pas, ça bouge, ils sont plus là quand on revient. Oui, ils pourraient être un petit peu plus coopératifs quand même avec le rallye, c'est sympa. Les zèbres, ils bougent beaucoup quand même. Donc, puis voilà, c'est aussi le rallye où bah, parfois, il faut freiner. Il faut freiner parce qu'il y a un animal qui veut traverser et on ne sait pas de quelle réaction il va avoir. Donc on ralentit, il passe et puis on repart. Voilà, c'est... Il n'y a que vraiment au Kenya où il nous arrive des situations comme ça. Je me rappelle aussi l'an dernier une anecdote quand j'ai un problème électrique après le S1. Je me retrouve là au milieu du Kenya et ben non, il y a plein de locaux qui étaient là pour nous aider. Ils n'avaient rien, il y en a qui étaient encore à pieds nus, donc ils nous ont aidés, ils ont poussé la voiture, etc. Enfin, il y avait une entraide qui était là, qui était belle, je trouve. Bon, malheureusement, on n'a pas pu continuer, mais en tout cas, le moment que j'ai vécu avec, avec les Kenyans, ce moment-là, moi, c'est gravé. C'était un moment chouette, mais ils voulaient à tout prix qu'on reparte. À un moment, c'est moi qui ai abandonné. J'ai dit, mais non, mais on continue. Ils voulaient me donner une batterie. Ouais, ils étaient tristes pour toi de ne pas pouvoir continuer. Ils étaient en mode débrouillard, comme souvent en Afrique, de vouloir aussi aider. Voilà, ils voulaient troquer une pièce de la voiture contre une batterie pour que je puisse continuer. Je trouvais ça génial. Et je pense qu'il y a aussi qu'en rallye qu'on peut vivre des choses comme ça. Ça ressemble vraiment, ce que je disais, au rallye raid. Finalement, c'est un peu l'esprit de Dakar, déjà, sur le côté des pistes, comme tu dis, où c'est beaucoup moins destiné que les autres rallyes. Puis ce côté entraide, c'est du coup quelque chose qui, toi, te plaît aussi, qui manque peut-être un peu sur le reste des rallyes européens, qui sont du coup plus traditionnels, dans des milieux qui ressemblent plus à ce qu'on connaît en France aussi. Ouais, on a quand même un règlement qui nous limite maintenant au maximum tout ce qui est aide extérieure. Mais je pense qu'il faut qu'on trouve quand même un compromis parce que je pense que ça fait aussi partie de l'âme du rallye. Hein. C'est sûr. On a vu des vidéos de par exemple, Macré qui tape avec une pierre pour remettre en place un bras de suspension. Il n'est pas aidé, mais quand même, les spectateurs sont là, ils lui donnent des conseils. Enfin, voilà, je trouve que c'est aussi l'âme du rallye. C'est ce qui fait aussi des belles histoires. Et c'est vrai qu'aussi ça permet aussi parfois de pouvoir quand même continuer la course pour quelque chose qui est un peu dommage. Donc oui, c'est un peu l'âme que j'aime bien, un peu rallye raid. Et c'est sûr qu'au Kenya, ça a d'autant plus de valeur qu'ailleurs. Et toi justement, je dévie déjà un petit peu, mais le rallye raid, toi peut-être que, alors évidemment maintenant c'est évidemment focus sur la carrière WRC, mais on a beaucoup de pilotes de rallye qui partent ensuite au rallye raid, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter toi, peut-être dans l'avenir? Oui, clairement, parce que j'ai toujours été un peu aventurier. Par exemple, il y a 2-3 ans, je crois, je suis parti faire le Maroc en moto avec mon frère. Partir à l'aventure, mais du désert, voilà, se retrouver un peu seul, je sais pas, j'aime bien ça. Donc oui, cette course, elle me fascine, j'ai envie de la faire, mais bon, chaque chose en son temps. D'abord, j'ai une longue carrière de rallye, j'espère, devant moi à faire avec, en jouant des victoires à des titres. Donc on va essayer déjà de se concentrer là-dessus. C'est clair. Pour terminer cette partie 2026, toi, effectivement, tu parlais, tu as marqué quand même de gros points. Les power stage ont été aussi assez bonnes en général sur ce début de saison. Comment est-ce que tu noterais ta performance personnelle au-delà du package? Mais vraiment, toi, et avec Alexandre aussi, avec Alexandre Coria, ton copilote, comment vous vous êtes comporté sur ces deux premières manches? Je suis quand même très satisfait du travail que je fais avec Alex dans ce début de saison. On fait avec, comme je dis parfois en arrivée d'interview, je fais avec ce que j'ai. Et là, actuellement, je prends aussi beaucoup sur moi parce que le plus simple, ça voudrait de surattaquer. Mais le risque de surattaquer, c'est qu'à un moment, ça s'arrête sur le bas-côté. Et là, on prendrait vraiment zéro point. J'allais pas, il y a un moment quand j'ai senti Monte Carlo qu'on n'allait pas gagner 0,5 secondes au kilomètre. Par juste le pur pilotage, sans prendre des risques comme ça, je me suis dit que l'idéal, c'était d'essayer de faire le meilleur de moi-même. Mais je pense que c'est très formateur aussi, dans un sens, parce que ça me force à essayer d'optimiser tous les moindres choses pour essayer de passer de 0,5 à 0,4 au kill, à 0,3, à 0,2, à 0,1, et espérons revenir au niveau qu'on devrait être. C'est formateur, c'est un peu frustrant. Forcément, moi, quand je suis arrivé chez Hyundai, Thierry était champion et il jouait le titre constructeur. Donc là, c'est sûr que c'est un peu décevant. Mais par contre, ça me forme. Je vois quand même où je me situe par rapport au champion du monde Thierry Neuville. Donc, donc aussi, ça me permet aussi de me rendre compte de la performance que j'ai, que lui aussi est en difficulté. Donc je pense que, je sais pas, sur une note de 10, je mettrais quand même 8 parce que je suis perfectionniste et je me dis qu'il y a toujours à aller chercher. Donc voilà, je pense que là où je regrette, c'est un peu les tests en Suède qui n'ont pas été... On a eu des petits problèmes mécaniques dessus et ça nous a un peu fait perdre du temps. Et je pense que c'est ce qui nous a aussi un peu coûté derrière. Après, il y a aussi quelque chose qui est bien pour toi, c'est qu'au sein de l'équipe, du coup, il n'y a plus Tanak cette année. Donc, tu es finalement le numéro 2, on va dire, derrière Thierry Neuville, même si peut-être pas vraiment d'hierarchie en interne. Est-ce que toi aussi, ça te permet du coup d'être plus confiant, de te sentir mieux intégré, de sentir que l'équipe aussi mise du coup plus sur toi? Parce qu'ils ont fait le choix aussi de ne pas mettre... pas vraiment remplacer Tanak. Alors, ce que j'ai bien aimé en joignant Hyundai, c'est que je suis arrivé quand même avec deux champions du monde, hein, Thierry et Hoyt, et j'ai pas du tout senti que j'étais le pilote numéro 3. Seulement à partir de, j'ai envie de dire, à partir de la Sardaigne l'an dernier, où j'ai dû commencer à céder ma place ou quoi, pour les points, etc., pour Hoyt, parce que moi j'avais plus à jouer de titre. Mais en termes de préparation de voiture, de toute la technologie qu'il peut y avoir, les évolutions, etc., il n'y a jamais eu un pilote qui avait les anciennes pièces ou quoi. Ça, faut enlever cette idée. Peut-être que je n'avais pas le nouveau pare-choc, mais ça ne me change pas grand-chose. Quoi. Oui, ouais. Donc au final, c'était des petites choses, mais qui n'avaient pas vraiment d'impact pur sur la pure performance de la voiture. Ou si elles y étaient, elles étaient vraiment minimes, mais en rallye, ça ne jouait pas à ça. Donc non, je trouve que cette équipe, pour ça, elle met vraiment tous ses pilotes au mieux. Et même cette année, avec des pilotes en part-time, ils mettent tout en œuvre aussi au mieux possible pour qu'ils soient aussi à l'aise dans la voiture, même si c'est sûr que cette année, ils sont beaucoup plus ciblés sur deux pilotes. Mais donc ça, c'est quand même appréciable. Parce que c'est vrai que c'était un peu mon interrogation en allant chez Hyundai. Est-ce que je ne vais pas être la dernière roue du carrosse voilà, mais au final... Oui, tu rejoins un constructeur et tu reçois le traitement... que tu peux attendre d'un constructeur. Exactement. Ouais. Ouais, tu n'avais pas donné de garantie avant qu'il y aille, vous en aviez pas parlé dans les discussions. Si, on en avait parlé. Je leur avais dit que chez Ford, j'étais pour le coup là, j'étais plutôt numéro 1 j'avais quand même l'équipe qui me tournait autour pour faire le mieux pour moi. Et j'ai dit, moi, je veux pas arriver là et tout le temps, non, tu roules pas, t'as pas les pièces, t'as machin. Je veux quand même avoir les. Et ils m'ont garanti qu'ils pouvaient. Il y avait pas de problème de faire les trois voitures pareilles. Donc ça là. J'ai pas eu un autre traitement que les autres. Et pour terminer sur cette partie moderne, on va dire, 2027 arrive vite aussi, parce qu'on est concentré sur 2026, mais il y a un gros changement de règlement qui arrive en 2027. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ce nouveau règlement qui arrive? Bon, moi, forcément, si je le vois en tant que pilote automobile, les rallyens qu'on conduit aujourd'hui, c'est fantastique à rouler. On a de l'aéro, on a de la puissance. Il y a tout qui va bien, et encore, on voudrait encore plus. Mais pour le sport, je pense que si on réduit un peu les voitures et qu'on a plus de constructeurs, à condition qu'on ait plus de constructeurs, alors je serais content pour le sport. Mais personnellement... on a beaucoup de spectateurs. Ce qui est compliqué, c'est de le quantifier. Mais moi, je peux vous dire, quand je suis sur les bords de route, ceux-là, je ne les vois pas forcément. Mais je sais qu'ils sont là. Mais moi, en spécial, je ne les vois pas forcément. Mais à chaque fois qu'il y a des photos, il y a des spectateurs. Bon, en Suède, il fait froid, c'est différent. Mais par exemple, si je prends d'autres rallyes, on sait qu'on a des rallyes avec énormément de spectateurs. C'est difficile à quantifier. Et on a quand même ces passionnés de cœur qui sont là, mais qui, par contre, je pense, ont pris de l'âge. On avait beaucoup de spectateurs dans les années 80, 90, 2000. On les a encore. Forcément, on en a de moins en moins. Mais ce qu'il nous faut, c'est réussir à adhérer les jeunes, les jeunes fans. Et on a des exemples à prendre là-dessus sur des nouvelles plateformes. J'ai Explorer qui a fait débat la dernière fois, qu'on a un peu déformé mes propos, mais justement où je disais qu'il faut s'en inspirer pour justement réussir à ramener ces jeunes au rallye. Et moi, c'est plutôt le côté promotion que je voudrais surtout appuyer sur le rallye. Peut-être le format, peut-être qu'il est trop long maintenant avec les jeunes qui veulent un peu plus tout, plus vite, tout de suite, peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment le côté promotionnel plus que le côté technique. Les voitures sont spectaculaires. Alors, je vais vous donner une anecdote. Semaine dernière, on a testé, on a partagé le volant entre pilotes. Et du coup, j'ai eu la chance d'être spectateur des autres pilotes qui roulaient avec la Hyundai Rally 1. Alors, je n'ai pas de bois ici, mais normalement, quand je vois une Rally 1 passer, c'est quand je suis sur le bord de la route, c'est jamais bon signe. C'est que j'ai abandonné. Mais là, j'avais la chance, j'étais spectateur pour quelques runs. Et j'ai vu la Rally 1 passer. Ça m'a fait de l'effet. Ça m'a impressionné. C'est impressionnant. Impressionné. J'ai fait, mais waouh, ça va à cette vitesse. Et je me suis dit, mais je suis capable de rouler à cette vitesse, moi. Alors, oui, bien sûr que oui, mais d'extérieur, ça m'a impressionné. Donc, le côté spectaculaire du sport, il ne peut pas laisser indifférent quelqu'un. Donc c'est que pour moi, on manque quelque chose quelque part. Oui, il faut donc, trouver comment l'amener comment pour l'amener. Que les gens le, voilà. le découvrent. Exactement. Comment amener les gens. L'exemple de la F1, par exemple, avec Drive to Survive, tout ça, c'est peut-être des choses. Tu parlais de la promotion. Peut-être qu'en effet, plus insister aussi sur les pilotes, sur le fonctionnement des équipes, plus d'inside finalement que ce qu'on a aujourd'hui, ça pourrait aider. Mais je pense que, comme tout enfant, on aime quand quelqu'un nous raconte des histoires. Bah oui. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire du story, un peu telling sur le rallye pour créer des histoires, des personnages sur les pilotes. Je pense qu'on raconte pas assez l'histoire, même les histoires en interne qu'il peut y avoir. Peut-être qu'il y a des tensions, peut-être que justement il y a de l'entraide. Actuellement, je ne sais pas si les gens se rendent compte de l'entraide qu'il peut y avoir entre moi et Thierry pour faire évoluer la voiture et l'équipe pour nous aider aussi. Et je pense que ça manque aussi un peu d'inside. Voilà. Le sport, c'est une chose. Mais il y a aussi le côté à côté. Alors oui, on a quand même More Than Machine, qui est, je pense, bien, qui pourrait être amélioré, qui n'est pas parfait, mais qui est déjà pas mal, mais qui manque encore un côté promotionnel pour le voir sur plus de plateformes. Oui, qui est une série sur YouTube, effectivement, pour l'instant. Sur YouTube officiel du WRC. Et ça avait d'ailleurs commencé avec M-Sport uniquement, et ensuite ça s'est... Avec Safety Culture, M-Sport, ouais. Ouais, exactement. Et ça s'est étendu maintenant au reste de la grille. Je vais t'inviter à prendre la deuxième carte, Adrien. Là, on va commencer le retour dans le passé. Un passé pas si éloigné, mais... Canary, exactement. Ah ouais, Canary 2020. C'était ta première victoire en ERC. En ERC, ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque justement ce rallye-là précisément, ce moment où tu te dis voilà là j'ai gagné au plus haut niveau du rallye européen finalement. Ça a été un moment important dans ma carrière parce que on sort du Covid, je fais un rallye à Rome qui se passe pas bien, un accident. Derrière, on fait d'autres courses avec Malcolm. Malcolm a quand même fait beaucoup rouler. Hein. Donc Malcolm, le patron de M-Sport, m'a fait beaucoup rouler quand même en 2020. Hein. Sur une saison Covid, je fais quand même 14 courses. Donc je pense que j'étais peut-être celui qui a le plus roulé. Et on arrive au Canary. Il fallait que je prenne ma revanche sur le rallye de Rome. Et cette victoire, elle m'a permis derrière à essayer la rallye 1. On appelait ça la WRC à l'époque. Si je ne me trompe pas, j'ai roulé la première fois... au public. Alors Malcolm me faisait rouler sur ses terres en Angleterre cachées, mais en public au Rallye Légende un peu plus tard dans la saison. Et c'est ensuite par la suite qu'il a voulu qu'en 2021 je fasse un programme mix WRC2 et WRC, donc mon premier début en Croatie, qui arrive bientôt. Donc ça a été un moment important, c'est là qu'il a repris en fait confiance en moi à 100% en disant mais on y va, on y croit. Ça lui a permis de vendre des voitures aussi, des nouveaux packs. Ce qui est pas mal aussi. Donc ça arrangeait tout le monde au final. Donc un super moment, première victoire. J'ai encore l'énorme trophée dans mon salon. Donc non, c'était un moment important. Voiture qui était un peu en manque de performance à ce moment-là, que j'ai réussi à faire avec M-Sport à faire remonter. Donc c'était top. Un rallye, par contre, sous la pluie. On dit, allez aux Canaries, il fait beau. Il a fait que pleuvoir pendant 4 jours. Là, t'étais allé sous la pluie déjà, au moins, c'est bien. Exactement. Et est-ce que c'est du coup, toi, un moment où tu t'étais senti avant le rallye un peu au pied du mur, tu dis que ça lui a permis à Malcolm de reprendre confiance en toi. Est-ce qu'avant le rallye, déjà, tu sentais ça? Tu te disais, là, il faut que je fasse un résultat parce que ma carrière peut dépendre un peu de ce moment ou de cette période, en tout cas. Oui, clairement. C'était un rallye hyper... hyper important pour me relancer. Dans ma carrière, ça a toujours été année après année. Je ne savais pas ce que je suis allé faire l'année d'après. Et j'ai toujours appris après Noël. Ah oui. Donc, j'ai jamais vraiment passé de vacances tranquilles, sauf les deux dernières années. Mais sinon, tout le reste de ma carrière, je ne savais plus. Je me rappelle 2020. 2020, je ne devais faire qu'une seule course. Ah ouais. Oui, t'as fini à 14, c'est quand même... Voilà, non, je confonds, c'était 2023. Mais par contre, 2020, non, j'avais le programme avec la Fédé, j'avais 6 courses, mais au final, j'en ai fait 14. Ouais, donc ça double quand même. Donc ça a quand même doublé, voire plus, le nombre de courses, parce que Malcolm était content, je faisais des courses en plus, etc. Et puis ça performait, et lui, il avait besoin de faire rouler sa voiture, la montrer dans une période de Covid difficile. Anecdote de la course. il fallait les tests Covid, etc., pour se déplacer à ce moment-là. Et en fait, pour ma séance d'essai, j'avais pas l'équipe M-Sport qui était présente. Donc c'est M-Sport qui a demandé, la voiture était déjà arrivée, mais c'est M-Sport qui a demandé à une équipe qu'ils connaissent, privée, qui fait rouler des Fiesta, de faire ma séance d'essai avec eux. Parce qu'eux n'avaient pas pu arriver. Mon ingénieur, je l'avais au téléphone, il était encore à l'aéroport de Manchester et il n'arrivait pas à prendre l'avion, etc. Donc j'ai testé et l'équipe n'était pas là avec des problèmes de passe de Covid. Et bon, au final, on gagne quand même la course. Donc on s'est dit, du coup, la dernière fois, je leur ai dit, restez à la maison. C'est ça, tout besoin. Seul en rigolant. Ouais, bah, tu n'as pas besoin de vous. Alors tu as commencé, toi, avec Rallye Jeune, comme beaucoup de pilotes français aujourd'hui, dès 2016. Ensuite, tu as eu une ascension qui est quand même assez rapide, parce que finalement, entre Rallye Jeune et cette victoire aux Canaries, il se passe que 4 ans, ouais. Avec un titre de champion de France junior aussi en 2018. Comment. Est-ce que toi, tu as senti cette époque-là, tu avais aussi des études de médecine que tu menais à ce moment-là. Comment ça s'est passé justement, ces premières années formatrices pour arriver au pilote que tu es aujourd'hui ? Ces premières années, elles ont été compliquées. Ça a été beaucoup de choix, de sacrifices. Bon, ça encore, hein, mais j'étais quand même en médecine en quatrième année. Faut s'imaginer, je connaissais pas trop quand même le sport auto. Hein. Je suivais le rallye par les jeux vidéo, par un peu les réseaux, mais j'étais pas non plus à connaître tout le règlement. Déjà le pointage avant une spéciale, je savais pas exactement comment ça se passait. Je savais qu'il pointait une heure, mais je savais pas qu'il y avait 3 minutes, par exemple. Des choses simples comme ça, mais qui paraissent anodines maintenant quand on connaît le sport, mais pour quelqu'un qui connaît pas. Bref, je suis en médecine, j'essaie de faire les deux. Je me retrouve dans des situations où j'ai examen, rallye en même temps ou qui se suivent. Je finis un examen, je prends la voiture, je m'en vais faire un rallye à Mende. Ouais. Au final, je rate mes rattrapages en médecine. Donc, les rattrapages, c'est quand on ne réussit pas en juin, on refait en fin août. Et donc, je les rate quand même. Et en plus, derrière, je rate ma course. Ouais. Et là, il y a un électrochoc dans ma tête qui me dit, là, les deux en même temps, ça va être compliqué. Donc, il faut que je fasse un choix. Et j'ai eu la chance d'avoir la faculté qui m'a soutenu et qui m'a dit, mais va à fond dans ton sport, va jusqu'au bout. Comme ça, plus tard, tu ne te diras pas, et si je l'avais fait ? Ce qu'il ne voulait pas, c'est que je devienne un médecin aigri. Mais surtout que la médecine, tu peux le reprendre après. Ils m'ont dit, la médecine, tu reprends après, quand tu veux, du moins, essaie dans une limite de 5 ans. Oui, c'est ça. Donne-toi 5 ans pour tenter le rallye à fond. Bon, là, ça fait 6 ou 7 maintenant. Oui, mais là, je pense que tu es content. Ouais. Mais donc, j'avais quand même... Et mais moi, mentalement, ça m'a énormément aidé. On sait que le sport, c'est énormément dans le mental. Mais de savoir que j'avais ma roue de secours, qui était la médecine, en fait, ça m'a permis d'aller à fond. On y va, on va à 100% et on verra bien ce qui se passe. Et je pense que ça m'a énormément aidé. Ça a été un contexte vraiment propice à derrière réussir. Et... Alors, bien sûr, il a fallu apprendre tout le reste. Ça a été dur. Enfin... En 4 ans et demi, je suis arrivé en Croatie à faire 5e au rallye. Et je pense que j'ai fait les titres dans auto, hebdo, et c'était voilà, avec le jump. Et c'était voilà, Adrien, 5e sur ses débuts. C'était super, avec 2 deuxièmes temps. En 4 ans et demi, c'est énorme. Mais il y avait encore beaucoup d'apprentissage à faire. Ouais, c'est ça. Ça a été très, très vite. Mais mettez-vous à ma place. Vous refuseriez de monter dans une rallye 1 Bah non, c'est clair. J'avais pas le soutien, j'avais pas le soutien financier pour pouvoir dire bah non, je me permets de faire une année. Moi, le soutien financier, finalement, ça a toujours été le plus gros, ça a été M-Sport. J'ai eu Yako, j'ai eu la Fédé, mais en 2021, c'est surtout M-Sport et Yako qui m'aident à ce moment-là. Donc voilà, je pouvais pas refuser. Et en plus, j'ai montré des belles choses au début. Croatie, Portugal, etc. C'était bien. Le Kenya aussi, 2021, je fais quatrième, mais on avait encore beaucoup à apprendre. Et si on revient au tout début vraiment de ta carrière de rallye, donc on parlait de rallye jeune, mais comment tu t'es dit je vais m'inscrire à ça, et tu as gagné, donc tu avais déjà un certain coup de volant. Est-ce que c'est un coup de chance, ou enfin je veux dire pas un coup de chance, mais tu t'es découvert un talent à ce moment-là, ou tu roulais déjà un peu avec tes potes dans les chemins? J'ai toujours aimé les sensations, donc je faisais beaucoup de vélo, toujours du VTT, je fais du descente. Rapidement, avec mon frère qui avait 5 ans de plus, lui, il a eu le permis. Moi, j'avais 13 ans. Donc, j'ai pu commencer à toucher un peu le volant. Du coup, on a été faire un peu des journées circuits. Alors, on devait peut-être en faire 2 ou 3 par an. Mais des choses simples. Et qui, au final, je me suis dit, ah, je suis pas trop mal quand même. Enfin, à 50 plus, je fais les temps avec lui. Je trouve qu'il roule bien. J'ai quand même beaucoup fait de simulateurs. Donc, les jeux comme Dirt Rally, etc. Je les ai poncés. Donc, je me disais, ça a pas l'air trop mal, quoi. Je fais quand même des bons scores. Et mon frère, en fait, tant plus âgé, lui, il avait découvert Rallye Jeune par un magazine. Si je peux le citer, c'était le magazine Échappement. Il avait découvert ça comme ça et lui, il avait participé. Mais lui, ça date de 2012, 2011, quelque chose comme ça. Okay. Et donc moi, je me suis dit, oh, bah, tiens, c'est super cette sélection. Bah, quand j'aurai 18 ans, je participe. Sauf que l'anecdote de Rallye Jeune pour moi, c'est à mes 18 ans, je suis en première année de médecine. Et il y a Rallye Jeune qui est là, fin novembre, début décembre, juste avant mes examens de médecine, le premier les quatre premiers mois d'études de médecine. Et là, je me dis non, cette année, à fond en médecine, j'ai du premier coup. J'avais été vivre chez ma grand-mère pour pouvoir faire ma première année, pour éviter toutes les tentations. Et l'année d'après, je me dis, je l'ai du premier coup, l'année d'après, je pourrais y aller. Puis ils ont raté pendant 4-5 ans, enfin pendant 3 ou 4 ans. Ouais, donc il a fallu attendre. Ça revienne. Parce que tu avais 21 ans au final en médecine. J'avais 21 ans, donc c'est ça, 3-4 ans après, donc 4e année de médecine. Et là, je me dis, là c'est bon, j'y vais, je participe. Mais du coup, je m'étais un peu préparé. Oui, c'est ça, tu connaissais, tu savais à quoi t'attendre. Je savais qu'il y avait des slaloms, etc. Et je me rappelle sur un parking d'un supermarché, j'avais mis des cônes et à m'entraîner à faire un slalom, un frein à main. Au moins le basique de rallye jeune, quoi. Visais la victoire en y allant ou c'était allez, j'y vais pour voir un peu, pour me jauger? Non, j'y allais pour essayer au maximum de gagner en me disant j'essaye. Et puis voilà. Donc non, j'étais allé, j'avais été malin aussi. Mais bon, ça compte dans le sport auto aussi d'être malin. Parce que ça jouait au salon de l'auto de Paris. J'y suis pas allé un week-end, il y avait trop de monde le week-end. J'étais allé en semaine, il y a moins de monde. Moins de concurrence. Ouais. Ah, c'est pas mal. Oui, tu marques plus les esprits sur la journée pour les sélectionneurs. Ouais. Ouais, non, bien sûr. Parce que je suis sûr que dans les grosses journées où il y a beaucoup de monde, c'est bien, mais à la fin, ils en prennent que deux. Peut-être sur 1000 participants. Quand moi j'étais peut-être allé, ils en prenaient deux sur 300. Ouais. Ah, tu augmentes tes chances. Ça augmenté. Mathématiquement, c'est clair. C'est mon côté un peu réfléchi là-dessus. Mais il faut aller en semaine. Non, mais c'est bien. On peut dire que tu dois ta carrière à ton cerveau, quoi, finalement. Je dis pas ça, mais peut-être que ça a aidé. Peut-être que j'aurais quand même gagné le jour en week-end, mais du moins, j'avais optimisé toutes mes chances. C'est sûr. Je vais t'inviter à prendre la troisième carte. Et justement, tu parlais d'une couverture d'auto-hebdo, voici. Voilà, c'est celle-là que je parlais. Là, voici cette couverture en Croatie avec cette cinquième place. Et tu disais, effectivement, c'est allé très vite, et en plus, ça a fonctionné très vite aussi. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Quand tu termines cinquième en Croatie, que tu vois que ça marque les esprits aussi, globalement, parce que c'est un rallye, en plus, qui est remporté par Sébastien Ogier, et c'est quand même la performance d'un autre Français, entre guillemets, qui marque. Comment on se sent à ce moment-là? Honnêtement, tout arrive trop vite. J'arrive pas forcément à me rendre compte actuellement. Je suis juste dans l'excitation du moment. Conduire une rallye 1 en WRC, un rêve qui se réalise. J'arrive pas, en fait, je vois pas tout le côté médiatique autour, la prouesse que je viens de faire. Je m'en rends pas compte. Je suis juste hyper satisfait d'avoir roulé dans cette voiture, de m'être régalé, d'avoir fait des spéciales. En plus, c'était la première fois en Croatie, donc un nouveau rallye pour tout le monde. C'est difficile, je pense, de tout assimiler. C'est plus facile maintenant de se rendre compte. Ah, quand même, oui, le recul, ça aide. Avec le recul, ça aide. Mais quand on y est, je voulais juste y retourner, faire une autre course et me dire mais la prochaine fois, on fera pas 5, on fera 4. Puis après, on fera 3. D'ailleurs, au Portugal, la manche suivante, tu fais 6. C'est un peu moins bien, mais enfin, ça reste quand même top. Ouais, c'était pas mal. Encore une fois, avec des bons temps, je crois que je fais encore une fois deux deuxièmes temps. À chaque fois, il me manque ce scratch. Je suis toujours proche, mais j'y arrive pas. Il me manque une ou deux secondes à chaque fois sur certaines spéciales. Mais donc, déjà là, je suis là et je veux déjà aller chercher des scratchs. Je veux déjà aller faire mieux. Et je pense que c'est aussi la force qui fait de toujours vouloir plus et de s'améliorer. Je pense que tout champion a envie d'aller dans cette direction. Mais moi, j'avais ça. Donc. Mais bon, c'était magique, puis le jump, il était beau quand même. Ah bah ouais, non, c'est sûr que ça fait une belle image, hein. C'est plutôt pas mal. Et à ce moment-là, est-ce que tu te dis justement, c'est entre guillemets facile, ou comme tout vient très naturellement et que les résultats viennent, ou est-ce que ça t'a mis une pression aussi de dire, maintenant, il faut continuer d'assurer Non, ça m'a donné énormément de confiance en moi, en fait. C'est ça, c'est que, en fait, de réussir, d'arriver à ce niveau-là, et de quand même faire des temps face à eux, je me dis, mais pourquoi pas, en fait. Mais il faut y croire. De toute façon, si moi, j'y crois pas, personne va y croire. Enfin, je dois être le premier à y croire. Donc il faut que ça marche. Et puis, en plus, je fais des résultats, donc ça me donne de la confiance. Peut-être un peu trop, je deviens un peu arrogant, peut-être, à des moments, à vouloir un peu trop performer, un peu trop tout de suite. Mais je sais pas, je pense que j'ai déjà vu d'autres champions qui étaient un peu comme ça, et français également. C'est pas trop mal, mais bon, en tout cas, ça montrait mon envie déjà à l'époque. Et justement, tu dis que ça t'a donné beaucoup de confiance, que t'étais presque un peu arrogant, mais quand tu prends derrière ton premier coup d'arrêt, je veux dire, comment tu réagis? Premier rallye qui se passe un peu moins bien. Premier coup d'arrêt, c'était Ypres, je pense. Ouais. Et comment tu te remets de ça? Est-ce que d'un coup, ta confiance qui était au maximum, elle en prend un sacré coup, ça redescend d'un coup? Ou tu arrives à relativiser, à te dire, bon, ça arrive, il faut pas tout jeter à la poubelle non plus? Celui-là, je m'en rends pas encore compte. Et malheureusement, je prends pas la leçon. Je pense que je me rends pas forcément compte parce que je me dis que c'est je me fais avoir sur une trace de tracteur, en fait un tracteur qui sort d'un champ, qui freine et qui rentre, et en fait je glisse sur les deux traces. Bon, les autres passent, hein, mais moi j'ai voulu le négocier à fond, il passait pas à fond. Derrière, je me dis bon, c'est tout, ça fait partie du rallye, hein. Des accidents, on en a quand même tous au moins une fois par an minimum, donc ça fait quand même partie du jeu, malheureusement. Mais voilà, tout, ça fait partie du pilotage. Donc je ne m'en rends pas forcément compte. Je me dis, bon, c'est tout, c'est comme ça, ça fait un. L'équipe m'en veut pas là, pour celui-là. Je me dis, voilà, c'est tout. Aussi, Malcolm en voulait un peu quand même, parce que c'était une voiture qui avait le châssis numéro 13. C'était dans la spéciale numéro 13. Il était 13h. Et elle était toute neuve. C'était son premier rallye. Ouais, d'accord. Et là, quand t'es superstitieux, c'est pas génial. Ben non, mais je lui ai dit, mais Malcolm, pourquoi t'as mis un châssis numéro 13? Du coup, on en a rigolé après. Mais bon, finalement, cette voiture a été vendue par la suite. Mais. Mais en tout cas, bon, l'anecdote, c'était un châssis 13. donc c'est là, voilà, ils m'en voulaient parce qu'elle était flambant neuve et qu'ils avaient vraiment voulu optimiser au maximum. Bon, c'est tout, c'est comme ça, ça fait partie du sport. Mais c'est sûr que 2022 a été plus compliqué par la suite. Ensuite. Et pour revenir juste sur ta performance, on voit des jeunes pilotes qui arrivent des fois à performer sur leur première rallye. On pense même à Solberg, même s'il avait déjà un peu d'expérience. Ce qu'il fait l'an dernier, ce qu'il fait en début d'année. Ou Pajari, même, je crois qu'à ses débuts aussi, pour son première rallye, il est assez bon. Comment t'expliques ça? Est-ce que le WRC2, c'est une super école pour le WRC, finalement? Ou c'est le talent juste des pilotes, peut-être, qui fait la différence? Non, clairement, le WRC2, c'est une super belle... Formule de promotion au final. On se bat à voitures qui sont quand même plus ou moins égales. Alors forcément, tu en as toujours une meilleure que d'autres, c'est le motorsport. Mais elles sont quand même vachement proches. Ça permet d'avoir des super belles batailles sur tous les différents types. Il y a toujours du monde, donc on se retrouve toujours en bataille avec quelqu'un. Même si à un moment on a une crevaison, on se retrouve à une minute 30 de la tête, on se bat encore avec d'autres personnes, on va essayer Donc ça, en fait, c'est pas mal, c'est que ça permet tout le temps de se battre. En rallye 1, quand on perd une minute 30, on peut vite se retrouver un peu seul à des moments. Donc ça, c'est une superbe école. Et je pense que le point commun, en fait, quand on arrive tous, je peux prendre aussi l'exemple de Cesque qui arrive sur un rallye qu'il connaissait, il était le seul, mais malgré tout, qui fait une super belle performance. Je pense qu'on arrive un peu avec un peu d'insouciance, juste profiter du moment, rouler et juste, voilà, ce qui m'arrive, c'est dingue. Je suis dans une rallye 1 au plus haut niveau, en championnat du monde. De conduire ces voitures-là, c'est fantastique. Et juste de rouler avec, c'est déjà génial. Donc en fait, on profite. Mais en fait, en profitant, on prend du plaisir. En prenant du plaisir, on est performant souvent. C'est derrière, quand on commence à devoir faire des saisons complètes, qu'il y a la tension, la fatigue, il y a le stress, la tension que peut donner une équipe en attente de résultats. Quand on arrive la première fois, l'équipe, ils attendent rien. Oui, c'est ça. Ils veulent juste qu'on roule. Tu surcompliques pas les choses, non. En plus, t'arrives, tu te dis... Tu roules. Tu fais la séance d'essai, dans de bonnes conditions. Tu roules, on n'attend de rien. Et au final... Ça marche bien. Parce qu'après aussi, peut-être quand t'es plus expérimenté, t'es plus dans le calcul de tes rallyes en me disant, tu vois, tu parlais de la trace de tracteur, en disant, bah là, j'y vais pas à fond. Alors que quand t'es jeune et insouciant, passes à fond et puis t'as de la chance, ça passe. Jusqu'à, en effet, tes premiers crashs après. C'est un peu ça. Maintenant, tu relativises, tu dis, non, mais là, cet endroit-là, c'est un peu compliqué. Tac, tu... En fait, c'est aussi l'expérience en rallye qui paye quand même bien. Quand on voit, on dit toujours, les anciens, ils performent. Mais les anciens, ils ont une expérience de dingue. Ils ont vu tellement de spéciales, tellement de virages, qu'ils sentent les choses. Ils arrivent à sentir ces choses. Quand on est jeune, on a un peu l'insouciance. Bon, ça passe. Ouais, mais non, parce qu'en fait, cette particularité du virage fait que ici, ça passe pas aussi bien. Et voilà, je pense que c'est ces choses-là qui font que les anciens, comme je les appelle, ils ont ça pour eux. Et je pense que ça marche. Et nous, plus jeunes, on a juste un peu la rage de gagner. Et c'est ça qui nous guide plus. Voilà. Ça joue peut-être aussi sur les reconnaissances, tu penses? Parce qu'effectivement, quand tu as vu des rallyes pendant 10, 15, 20 ans, tu sais peut-être instinctivement que la note va devoir être un peu modifiée parce que tu as cette expérience en plus, alors que tu as des notes un peu plus basiques. Quoi, moi, je continue toujours à apprendre. Hein. Même dans mes notes, j'essaie toujours de trouver des solutions pour améliorer, pour alléger, pour être plus précis en allant plus vite, etc. Et voilà, quand il y a 10, 15, 20 ans, 25 ans de rallye, bon, c'est rodé, quoi. Mmh. Et puis vraiment, c'est vraiment ressentir le virage. Mmh. Parce qu'il y a des virages qui sont simples, classiques, entre guillemets, ceux-là, ils posent pas trop de soucis. Ouais. Mais ça va être des endroits un peu pièges, un endroit un peu à l'ombre, quelque chose qui est... Même des choses qu'on peut ressentir. Je pense que c'est pareil, hein, si on prend le Dakar, par exemple, il y a des pilotes qui sont nés dans les dunes, bah, ils ont facilité de lire les dunes. Mmh. Ça s'apprend. C'est de l'expérience. Bah là, c'est pareil en rallye. Il y a des virages qui se ressentent, des endroits un peu pièges. Tiens, là, c'est bizarre, celui-là, on va le mettre piège. Moi, maintenant, je mets des pièges dans mes notes. Celui-là, je sais que c'est un truc un peu compliqué. C'est facile d'aller se poser et dire, bah mince, je suis bloqué. Ouais. Bon, voilà. Ouais, donc, tu vas en garder un petit peu pour... Il y aura toujours un risque. Hein. Ouais, bien sûr. On est d'accord. Mais il y a quand même ces choses-là, je pense, qui font que l'expérience est énorme en rallye. Et on l'acquiert qu'en roulant. Ouais. Et ça demande beaucoup de roulage. Mm-hmm. Parce que c'est ça aussi qui fait que tu arrives à performer toi un peu sur tous les terrains, parce que tu as fait des podiums sur asphalte, dans la neige, en Suède, au Kenya. Encore une fois, j'ai eu dans ma carrière l'opportunité de rouler sur tous les types. Parce que dès le début, avec la Fédération française du sport auto, M-Sport, en fait, de rouler Monte Carlo, Suède, les rallyes terre, les rallyes asphalte. Donc j'ai quand même eu un gros panel en WRC rapidement à faire des rallyes de tous les types. Je ne me suis pas juste concentré à un Portugal-Sardaigne ou un Estonie-Finlande. Non, j'allais au Portugal, j'allais en Estonie, j'allais en Finlande. Voilà, ça m'a permis quand même de rouler sur tous les types, les rallyes rapides, les rallyes cassants, les rallyes asphalte, les rallyes mixtes. Ouais, donc effectivement il y a eu tout un panel. Je vais t'inviter à prendre la quatrième fiche maintenant, Adrien. On se rapproche d'aujourd'hui, on est en 2023, et cette fiche on l'a choisie parce qu'effectivement donc, il y a le titre de champion de Grande-Bretagne, ce qui est un accomplissement et une réussite, mais qui survient après justement une période plus compliquée, comme tu l'avais évoqué, où c'est un peu l'année entre guillemets de rétrogradation d'une certaine manière, le moment où tu es reparti en WRC2 pour revenir ensuite en Rallye 1. Quel regard tu portes sur cette période précise aujourd'hui de ta carrière? L'année 2023 ou l'année 2022? Commençons par 2022. Alors, l'année 2022, très compliquée, parce que un début très compliqué. Honnêtement, on arrive au Monte Carlo, on est performant, et j'ai beaucoup travaillé. 2021, ça a été WRC2, WRC1. Et en plus de ça, le développement de la Rallye 1. Et j'ai fait plus de 70% du développement de cette Rallye 1 au simulateur, en roulage, etc. C'est un peu mon bébé. Et j'arrive au Rallye Monte Carlo et on est performant. Hein, donc on est très très bien. Et je suis jeune et j'ai l'envie. J'ai l'envie qu'il passe au-dessus et je me fais avoir sur juste ce passage de col là, et derrière un grip qui change et puis voilà, c'est l'accident. Derrière, en Suède, je me dis bon, on va prendre les choses modérément. Je crois que je suis cinquième, je fais quand même des bons temps, c'est pas fantastique, mais je me lâche pas après le rallye du Monte Carlo. On arrive en Croatie, je me fais avoir avec un aquaplaning, et alors là, l'équipe me le pardonne pas du tout. La pression augmente, je ne sais plus rouler. Vraiment, je ne sais plus rouler. Je ne suis plus moi-même. Ouais, tu réfléchis en fait. Je réfléchis, je ne roule plus par juste mon pilotage naturel, rouler, me libérer. Je suis juste, je suis toujours un peu dans la crainte en fait de la faute, de ce qui pourrait casser, etc. Et il y a parfois quand même, il y a mon côté compétiteur qui dit non, mais il faut quand même que j'en mette un peu plus. Et puis bah, je vais crever, je vais faire une petite casse de bras de suspension. Au Kenya, on touche une petite pierre, ça casse un bras. Voilà, un problème mécanique plus tard. Enfin, plein de choses comme ça qui font que la saison est très compliquée, et plus ça va, et dans ma tête, moins ça va. Ouais, t'as 4 abandons sur les 5 premières courses. C'est ça. Enfin, sur 5 premières rallyes. Et ça a été dur avec l'équipe qui derrière a mis beaucoup de pression négative, et j'ai pas réussi à ressortir de ça. Tu parlais justement de ça tout à l'heure, tu disais que quand tu commences, t'as l'insouciance, t'es jeune, t'as envie de tout casser, t'as pas de pression. Et cette pression de l'équipe, à quel point c'est dur à gérer pour un pilote, surtout que t'étais encore jeune, en 2022 quand même. T'étais encore assez inexpérimenté en WRC. Est-ce que c'est pas trop dur de mettre autant de pression à un jeune pilote, ou tu penses que t'étais peut-être pas aussi assez solide mentalement pour tenir ça à ce moment-là? Non, je pense que si on prend l'exemple d'autres pilotes dans le passé, ça a été comme ça. Si on prend l'exemple de Tanak, si on prend l'exemple d'Evans, on a un peu un parcours similaire avec même sport, où à un moment, Malcolm se met à mettre beaucoup de pression sur ses jeunes pilotes. Je pense que c'est sa façon de nous faire, je sais pas, de nous former à la suite, mm-hmm. je pense. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Hein. On est tous les mm-hmm. trois là. Bon, il t'a pris un peu sa retraite là, mais je pense qu'il va revenir. Mais... Ouais, je pense qu'il teste nos limites, mm-hmm. il teste notre caractère. Il veut voir si quand on est aussi bas, si on en veut vraiment, en fait. Parce mm-hmm. que le plus simple, ce pourrait dire d'abandonner. Mm. Oui, c'est ça, oui, de dire, voilà, c'est pas fait pour moi. Ou exactement. De dire parce stop, que ouais. Malcolm croyait en mes capacités. Ce qu'il voulait voir, je pense, c'était mentalement jusqu'où j'étais capable d'aller. Mm. Et dans les moments bas, en fait, parce que je pense que le sport de haut niveau, c'est ça, il y a des moments, c'est bas. Et en sport auto, on est un peu seul, on peut pas se... Je veux dire, si moi, je suis en manque de performance, je peux pas demander à un remplaçant de me remplacer à ce moment-là. Je suis pas comme au foot, mmh. où je peux dire, attendez, mettez-moi un peu sur la touche là, je suis pas très bien. Ouais. Et puis, je reviendrai dans 2-3 mois. Non, là, c'est tout de suite, et toutes les courses s'enchaînent. Et tu dois toujours performer. Et il faut toujours performer. Donc, c'est très... ça demande beaucoup. Et si en plus dans la tête on n'est pas au top, c'est vite compliqué. Donc 2023 arrive. Donc avec Malcolm, c'était des négociations. Est-ce qu'il me remet en rallye 1, en rallye 2? Finalement, mmh. il me dit non, on va te mettre en rallye 2. Dur à accepter. Ouais, tu le prends comme une punition presque à ce moment-là. Ah oui, clairement, oui. Et puis en plus, j'étais en train de quitter mon bébé. Donc Mais ça, t'avais développé la caisse. Ouais. Qu'est-ce qui performait en plus? Première course qui arrive et Seb qui arrive et qui gagne. Donc j'en étais quand même content. Alors forcément, hein, c'est l'équipe qui développe, mais les pilotes donnent aussi vachement leur avis, leur orientation, quelle direction aller avec la voiture, etc. Donc c'est important, donc, le travail du pilote est important. On arrive en 23. Ah, c'est dur, Monte Carlo. Plus je rentre dans la Ford qui était un peu en manque de performance par rapport aux autres. Et c'était un rallye un peu compliqué. Et puis je devais faire qu'une course. Puis deux. Puis trois. Ouais, et après, finalement, Malcolm veut faire le championnat britannique, qu'on remporte, mais on n'avait pas le choix. Fallait qu'on gagne toutes les courses qu'on participait. Parce qu'on avait en plus le WRC2 à côté. Mmh. Et si on faisait un 0 pointé sur une des courses, il y avait peu de chances qu'on puisse être champion. Donc il fallait qu'on soit. Fallait qu'on gagne à chaque course. Oui, parce que tu ratais la dernière qui comptait double en exactement. Plus. Exactement. De toute façon, c'est vrai qu'en termes de points. Exactement. Donc il fichu. Fallait qu'on gagne à tout prix les courses et que les autres, à un moment, il leur arrive quelque chose ou pas. Quoi. Et au final, on est champion. On gagne aussi en Europe centrale en WRC2. Mais cette année-là, pour moi, c'est une année importante. C'est une année où je reprends plaisir à rouler. Mentalement, je fais que monter en termes de bien-être et de performance. Et je pense que c'est là le tournant où je me dis, peu importe ce que Malcolm dira, tant que je sais que ce que j'ai fait c'est bien, je serai content. Mmh. Oui, tu partais du principe que tu avais cette satisfaction. Et j'ai enlevé vraiment cette pression que pouvait donner une équipe. Et même actuellement chez Hyundai, je pense que cette année-là, ça m'a permis de me dire, peu importe ce que l'équipe pense, tant que je sais ce que je fais est positif, et etc. En fait, je suis capable moi-même de m'autocritiquer dans ce que je fais, de si je suis bien ou je suis pas bien. T'en parlais un peu tout à l'heure avec l'année 2026 avec Hyundai, mais est-ce que c'est une année justement, c'est une période plus formatrice et on voit, tu parlais de Tanakh, tu parlais d'Evans, Oliver Solberg aussi qui est arrivé en rallye 1 trop jeune certainement, il a refait ses gammes en rallye 2 et maintenant il est de nouveau très performant. Tu penses qu'il y a quand même un côté... Ces années-là sont charnières pour le développement. Ouais, je pense que comme Oliver, c'est 2022 pour Oliver, c'était très compliqué également. Il est redevenu en rallye 2 beaucoup plus longtemps que moi, mais ça lui a formé les armes pour quand il revient là, il est prêt. Voilà, il est prêt. En plus, il a l'équipe, la voiture, tout va bien. Il est bien dans sa tête, il est bien entouré. Il y a un bon entourage autour. Moi, ça m'a permis aussi de me structurer, d'avoir des gens autour et des gens qui étaient vraiment importants pour moi, pour m'apporter de la performance. Je pense que ça a marché aussi pour Oliver et c'est ça qui est intéressant. Alors c'est dur pour les équipes aussi parce qu'à ce moment-là, quand tu essaies de prendre un jeune, tu sais qu'il marche, puis finalement il se casse un peu les dents et voilà. Et ça, je pense qu'il y a aussi des similitudes un peu en Formule 1. Mais je pense que voilà, il y a des pilotes qui ont besoin de ça. Il y en a peut-être qui arrivent à passer en dehors, mais j'en connais quand même pas beaucoup. Là, c'est un peu ce qu'on voit pour faire un parallèle avec la F1, c'est un peu ce que fait Red Bull avec ses pilotes. Quand ils en mettent un chez Red Bull, ils le remettent chez Racing Bulls. C'est un peu similaire. C'est un peu. Ouais, apprend, c'est pas facile dans la tête, mais quand on en ressort, on en grandit. Ouais. Oui, c'est ça. C'est aujourd'hui, avec le recul, tu sais que c'était une décision qui était quand même positive. Mais c'est sûr qu'au moment où elle arrive, il faut savoir l'encaisser. Quoi. Elle est dure à accepter. Mais ça permet vraiment de remettre les choses à plat de ce qui apporte vraiment de la pure perfo. Tu parlais de l'équipe, de comment tu t'es structuré. Par exemple, t'as engagé des personnes pour t'aider sur ce qui était mental, par exemple. Ouais, j'ai attaqué avec mon coach mental en fin 2022 et je l'ai gardé en 2023. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a travaillé sur le travail en équipe, c'est-à-dire travailler avec Alex, se donner des points clés quand moi je conduis, si je suis en train de perdre le fil, si lui il est plus dans le tempo, si c'est un peu dur pour moi, en fait des mots clés qui permettent, qui sont pas longs mais qui permettent aussi à Alex de savoir mon état, du coup il peut m'aider là-dessus, ou moi inversement avec lui. C'est tout des petits détails. Travailler aussi la concentration au long cours, par exemple. Ça paraît anodin, mais l'entraînement mental devient un peu une routine maintenant chez les sportifs. Alors avant, c'était un sujet tabou, c'était un faible, mais maintenant, on se rend compte que l'importance que ça peut avoir chez le sportif. Et moi, j'ai quand même pas mal travaillé là-dessus, sur tout ce qui était attention en fait, au long cours. Hein. Il y a des spéciales, comme là au Kenya, elles font 25 minutes. Ouais. C'est un 25 minutes à bloc avec la chaleur. Écoutez, parce qu'il faut prendre beaucoup d'informations, formation visuelle, auditive, sensation. Il faut traiter l'information au plus vite à chaque fois, donc ça demande quand même beaucoup, et bon, bah, le cerveau, c'est un muscle, ça s'entraîne. Et là, effectivement, maintenant, tu arrives à un niveau où voilà, tu l'as beaucoup plus entraîné. Je vais t'inviter à prendre la dernière carte. L'homme qui revenait du froid. Bah oui, parce qu'un premier podium en rallye 1 en Suède, c'est quand même assez spécial. Ça devait être un grand moment. Ah, c'était énorme. C'était énorme. Je me rappelle, on est deuxième le samedi soir. On vient de faire une journée de dingue le samedi en bataille avec Elfyn Evans, qui est quand même vainqueur du rallye déjà à l'époque, qui est connu à rouler très vite en Suède, qui est un prétendant pour le titre. Moi, j'arrive, je reviens avec Ford et Monte Carlo cinquième. J'arrive en Suède et on est déjà deuxième le samedi soir. On marque les points du deuxième, parce qu'à ce moment-là, on marquait les points le samedi soir. C'est vrai. Et je me rappelle, Malcolm m'appelle et il me dit « Mais demain, je veux juste que tu gagnes ton premier podium, quoi. Enfin, que tu remportes ton premier podium. Donc demain, tu laisses passer Evan. » Difficile, ça. Difficile. Mais d'un autre côté, voilà l'entourage aussi que j'ai autour. Je les appelle, etc. Ils me disent « Mais Adrien, marque ton premier podium. » Et derrière, ça te construira pour aller en chercher d'autres. Surtout que deux ou trois, finalement, c'est surtout que deux ou trois, pas très important. C'est toujours mieux de faire deuxième, mais c'est la victoire qu'on veut. C'est ça. Premier échelon, c'est le podium, et le deuxième, c'est la victoire. La victoire était inatteignable à ce moment-là, en plus. C'est un peu comme, je sais pas, c'est deux ou trois, ça change pas énorme. Par contre, les gens retiennent que t'es sur le podium, et ce qu'ils retiennent, c'est le vainqueur. Donc au final, je me dis... C'est plus le moment de faire 2021 ou 2022 à avoir la fougue. On a un peu appris et maintenant il faut l'accepter. Il faut accepter, voilà. C'est trop risqué, ce serait dommage de gâcher ça. Surtout en Suède, un Français, voilà. Premier podium en Suède, c'est quand même pas là qu'on attendait. Bah c'est ça, c'est pas premier podium, habituel, quoi. Donc moi, je me dis, c'est tout, je m'exécute et je perds ma place déjà dès la première. Je savais même plus rouler, quoi. Je roulais plus libéré. Et au final, c'est un peu le risque parfois. C'est qu'à vouloir tellement baisser son rythme, on sait même plus rouler, quoi. Donc voilà, après, j'ai repris un rythme et puis on a fini le dimanche comme ça et j'ai remporté mon premier podium là-bas. Puis on a appelé un tout de suite à la suite, au Kenya, direct derrière. Ouais. Dans des conditions très différentes, encore une fois. Donc, c'est quand même marrant que tu arrives à faire tes deux premiers podiums sur des rallyes aussi diamétralement opposés, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi ce que demande le rallye, capacité d'adaptation des pilotes. Les championnats maintenant sont longs, sont très variés. On n'est plus à l'époque des années 80, on prenait des pilotes que pour six courses, et puis les six autres courses, c'était un autre. Il y avait les spécialistes rallye rapide et les spécialistes asphalte. Maintenant, il faut être bon partout. Et dans ma carrière, j'ai eu cette formation au final de rouler sur chaque année au maximum en Suède, en Rovaniemi, etc. Et ouais, je me sentais à l'aise. J'étais bien, cette voiture, je la connaissais bien. Hein. C'était mon bébé que j'avais retrouvé. C'est ça. Donc, le bébé avait bien grandi. Donc voilà, donc forcément, en plus, je savais qu'elle était performante. Hoyt avait gagné l'année d'avant sur le rallye de Suède. Donc voilà, je me suis un peu basé sur ses setups pour essayer justement de performer, et puis je me suis senti à l'aise, et voilà, j'ai roulé, et j'étais vraiment à l'aise. C'était une belle performance, je trouve, personnelle sur ce rallye, parce que parfois on dit les victoires, est-ce que c'est pas ta plus belle course? Mais parfois il y a des podiums qui sont durs à aller chercher, parce que c'est le premier, il y a aussi l'histoire, et en plus je me suis senti hyper à l'aise toute la course, et je trouve qu'en termes de dans sa globalité, la préparation avec les essais, j'avais eu deux jours de test qui s'étaient super bien passés, la course comment elle s'est déroulée, la bataille avec Elfyn tout le samedi, des conditions de dingue la veille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le sable vendredi, il neigeait. Ouais, mais, c'était la folie. Ouais. Mais c'était un peu à l'élimination, finalement, quasiment. Mmh. Donc non, une très belle course, un très beau souvenir. Et cette saison-là, tu fais 5 podiums. Ouais. Donc, une saison super réussie. Quel bilan t'en tires, toi, à la fin de l'année? Est-ce que tu te dis, mes 5 premiers podiums, c'est quand même quelque chose de fort? Ou est-ce qu'il y a une petite partie de toi qui te dit, ah, j'aurais bien aimé en gagner une, ou même faire deuxième, parce que tu fais 5 fois troisième? Je me disais que j'étais un peu abonné à la troisième place, mais depuis l'an dernier, je me dis que les troisièmes places, c'est déjà pas mal. Là. Forcément, j'en voulais plus quand même. Mm. J'ai ce côté-là, hein, vouloir plus. Mais déjà, de faire les podiums avec l'équipe, c'était énorme. C'était énorme dans le sens où ils avaient perdu Hoyt Tanak, qui était reparti chez Hyundai. Moi, j'arrive, ils ont tout mis sur moi. 2022, c'était pas top. 2023, j'aurais montré de belles choses, mais en Rallye 2, c'était incertain. Et au final, on a vécu une superbe saison avec eux. On a eu quelques petits problèmes mécaniques, mais on a quand même réussi à passer à travers. On a été performants, 5 podiums, et sur, encore une fois, tous les types de terrains. C'était top. Et puis souvent, on a joué devant, on a joué un peu les outsiders du championnat. Donc non, c'était une belle saison. Bon, bah, super. Et à ce moment-là aussi, est-ce que tu es conscient peut-être que tu n'as pas la meilleure des voitures, ou est-ce que tu penses que la Ford pouvait te permettre quand même de rivaliser avec les Toyota et les Hyundai? Non, je savais que la Ford avait des rallyes où elle pouvait être performante, comme par exemple la Suède. Y avait d'autres rallyes où ça allait être un peu plus compliqué, comme la Lettonie, etc. Donc il y avait des rallyes où en fait j'ai abordé le rallye avec une stratégie qui était un peu différente de d'habitude, où c'est la pure attaque. Par exemple, en Finlande, si on regarde le vendredi, je suis 7e, je crois. Finalement, le samedi soir, je suis 5, et le dimanche, on est 3. On n'a pas été les plus vite, mais on a été à la régulière, dans les conditions compliquées en Finlande, etc. Et ça a payé comme ça. Au Japon, non, c'était de la pure perfo, mais je savais que la voiture sur l'asphalte, un rallye comme ça, elle pouvait performer. Il y a des moments, il a fallu être patient. Ça m'a aussi un peu appris aussi la résilience, la patience sur les courses, et que voilà, c'est à la fin du rallye qu'on paye et pas avant. C'était hyper hyper formateur. Et oui, je savais que la voiture, on sait qu'M-Sport est toujours très très performant les deux premières années. Après, il manque de ressources par rapport aux autres équipes pour développer. Donc là, on était déjà dans la troisième année. On a fait une très belle troisième année. Ouais, tu te dis à ce moment-là, en plus, donc tu as tous ces podiums. Hyundai va avoir une place disponible, sans doute à ce moment-là. Tu te dis, c'est le bon moment, justement, en fin de cycle M-Sport, de dire maintenant, je vais chez un constructeur pour avoir cette capacité de développement aussi qui va arriver. Tout à fait. Tout à fait. J'ai cette opportunité avec Hyundai pour une saison complète. Il fallait que je la saisisse, quoi. C'était le moment. Malcolm me sentait prêt, je me sentais prêt, et je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute. J'étais prêt à aller chez Hyundai, et ça s'est bien passé l'an dernier. Donc. Malcolm Wilson l'a compris. Malcolm Wilson l'a compris, et ça n'a pas pour autant qu'il n'a pas été ému de me voir partir, depuis 2019. Mais en tout cas, c'était une belle histoire qui se fermait là, qui n'est pas complètement fermée. On sait que dans le motorsport, on peut revenir un jour là-bas. Mais en tout cas, Malcolm, il disait qu'il ne pouvait pas me garder. Ford ne voulait pas réinvestir l'année d'après. Et moi, je voulais. Voilà, il savait qu'il n'allait pas pouvoir me donner ce que moi j'attendais, c'est-à-dire un développement pour aller se battre devant, etc. Donc voilà ce que Hyundai m'a apporté, avec d'autres difficultés. Mais encore une fois, je pense que toutes ces années m'ont aussi appris et me permettent, je pense aussi cette année, de prendre du recul sur ce qui nous arrive un peu chez Hyundai, là, un peu en baisse de performance, de derrière, pas surattaquer, pas faire d'erreurs, à vouloir compenser des choses qui auraient été beaucoup plus compliquées 3 ans en arrière, 3-4 ans. Et pour boucler la boucle, du coup, on va pas reparler de ce qu'on a dit en début d'émission sur cette saison, mais maintenant, est-ce que tu considères que tu es déjà à ton top niveau? Est-ce que tu as encore des points d'amélioration? Tu parlais des vieux, entre guillemets, qui sont là, qui sont toujours là à côté. Les expérimentés. Les expérimentés, voilà, c'est plus politiquement correct. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu vois chez eux qui t'inspirent, qui te donnent des axes de progression, ou tu penses que là, tu es déjà à ton plein potentiel? Il y a toujours à apprendre, et je pense même que les anciens, je les appelle. Les anciens. Ils apprennent encore. Je pense que dans le sport, le sport évolue tellement, le sport évolue tout le temps, qu'il faut toujours en fait se remettre à la nouvelle page, quoi, parce que ça évolue, et je pense que l'an prochain, ça risque de faire un choc un peu pour les anciens. Mmh. Parce que moi, la Rally 2, je l'ai quittée en 2023, et là, on va être un peu plus proche de la performance des Rally 2, donc voilà. Je pense que dans l'art du pilotage, il y a toujours à apprendre, mais je suis quand même vachement satisfait de ce que je fais, mais voilà, je serai vraiment satisfait quand je gagnerai des courses. Ben ça, c'est ce qu'on te souhaite le plus rapidement possible. Mmh. Alors, on voulait terminer, parce qu'en 2024, c'est aussi le moment où on t'a, pour beaucoup, découvert, hein, puisque là, tu faisais quand même beaucoup de podiums cette année-là, et on t'a pas mal découvert sur les réseaux sociaux aussi, et en fin de spécial aussi, avec toujours avec le bon mot, ouais. Avec voilà, tout ce genre de choses. Pour toi, la fin de spécial, c'est aussi un moment où il y a un petit peu de décompression, j'imagine, après avoir été justement concentré à fond pendant toute la spéciale, et tu peux voilà, lâcher et laisser un peu exprimer. Souvent, si le rallye se passe bien, mm-hmm. je suis content de la performance, j'arrive à sortir un peu de ce contexte sportif et à essayer de tourner un peu ça, un peu plus à la rigolade avec les spectateurs qui peuvent être là, avec les gens autour. Pourquoi ? Parce que à la base, moi, je suis aussi un fan de rallye, à regarder en arrivée. Et je trouve ça dommage d'entendre des pilotes se plaindre de ce qu'ils sont en train de faire. Mmh. Moi, je m'estime chanceux de pouvoir rouler dans ces voitures fantastiques, dans un championnat aussi varié. Et je trouve ça dommage, en fait, que les gens, quand ils nous voient arriver, ils disent « Mais ça doit être mauvais ce qu'ils font. » À chaque fois, ils sont en train de râler. Mais on râle, parce que c'est dur. C'est un sport compliqué, il y a beaucoup de sacrifices. Quand on est des compétiteurs, donc quand on ne performe pas comme on veut, c'est dur, c'est frustrant. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même qu'on arrive à montrer aux gens que ce qu'on fait, c'est top. Et c'est vrai. Même dans la frustration, piloter ces voitures-là, c'est top. Enfin, je veux dire, dans des paysages tout le temps variés. Là, je vois la neige, on va arriver au Kenya, encore une fois. Ouais, ça change. Donc, tout le temps différent. Et les sensations que ça procure de jouer avec la voiture, les compressions, les jumps, de jouer avec. Voilà, on joue avec, on se fait plaisir, on joue avec. On n'est pas comme sur circuit où il faut aller chercher le petit millième, le petit dixième, etc. Nous, on va aller chercher, mais tout en jouant avec. C'est ça la beauté de cet art. Et de pouvoir jouer avec, c'est là où je m'amuse. Et quand j'arrive à la fin de spécial et que je suis content, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de dire peut-être des bêtises, mais qui font rire les gens. Et 2024, j'en ai fait quand même pas mal. J'en avais un paquet. Mais depuis que je suis un peu plus en difficulté par rapport aux objectifs que j'ai en tête, je suis un peu plus de difficulté d'être un peu plus naturel à l'arrivée des spéciales. Ouais, faut qu'on espère. En fait, ce qu'on te souhaite, c'est de retrouver le Adrien fun, entre guillemets. Retrouvez-moi sur les podiums et ça ira. Vous me retrouverez comme en 24. Ce sera le bon truc, quoi. Par exemple, j'ai un petit truc pour terminer sur ce sujet aussi. À l'arrivée des spéciales, il y a ces fameuses petites minutes d'interview à peine arrivées. C'est aussi ça, souvent, qui donne peut-être pas une très bonne image. Je parle des pilotes qui se plaignent. C'est ce que je disais. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, quand vous arrivez, on comprend aussi la frustration. Soit ça s'est mal passé, soit vous avez crevé. Il y a plein de raisons. Est-ce que tu penses que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on devrait supprimer ? C'est peut-être pas le bon moment. On a à chaque fois l'impression, en tout cas quand on vous voit à la télé, que c'est jamais vraiment le bon moment pour vous parler. Faut s'imaginer, hein, vous êtes en plein effort, vous imaginez, vous venez de courir un marathon à bloc, là, et les marathoniens, ils arrivent et vous passez la ligne d'arrivée, ils font 5 mètres, et alors, comment s'est passée la course ? Ouais. Faut imaginer, hein, c'est ça comme ça, et tout le week-end. Ça a l'air assez violent, en tout cas, de l'extérieur, je trouve. Ils vous ouvrent la porte. Il y a des week-ends où ça se passe pas comme on veut. Où on en rend d'envoyer tout claqué, quoi. Ouais. Voilà. Parfois, moi, je dois prendre sur moi, parce que, et c'est pas à la faute de l'intervieweur à la fin de la spéciale, mais sa question, elle peut me vexer, en fait. Et je reste humain, et parfois, j'aurais envie d'envoyer bouler les gens qui me vexent un peu, quoi. Alors que c'est vrai, en soi. Je le sais, au fond de moi, parce qu'il dit, c'est un peu vrai, etc. Mais c'est pas le moment, c'est pas le bon mais instant. Mais là, c'est le moment où, en fait, je suis déjà frustré avec ma spéciale. Je fais pas le temps que je veux, je suis un peu en galère. Laissez-moi tranquille, quoi. Puis t'as l'adrénaline au top, alors, le cœur qui bat. Alors quand ça se passe bien, c'est plus facile de jouer, de rigoler, etc. Donc il faut qu'on arrive, nous pilotes, à réussir à être quand même toujours dans le positif dans les moments où c'est difficile. Voilà, ça nous demande beaucoup. C'est vrai que tout de suite après la ligne d'arrivée, ça va, ça se passe, mais il y a des moments, peut-être que plus tard, un peu plus tard, ce serait plus facile, quoi. Bah, on se rappelle, c'était en Arabie Saoudite, hein, les premiers jours où justement les pilotes, vous avez décidé de ne pas parler parce que il y avait ce reproche, on va dire, c'était de la FIA. Kenya l'an dernier. C'était ce côté où il y avait ce reproche de la FIA de certains mots. Liberté d'expression qui ne pouvait. Et on est en arrivée. Encore une fois, voilà, c'était moi qui avais eu l'amende l'an dernier. C'est ça, oui, en Suède, parce que j'avais dit que j'avais. que j'avais merdé. T'avais merdé, voilà, oui, c'était voilà, même j'avais, pas. J'avais dit ça. Le voilà. mot était même pas voilà. violent en soi, c'est ça. Sauf ouais. que c'est vrai que voilà, c'est des mots qui peuvent choquer dans d'autres cultures. On est en, dans un rallye mondial, mais d'un autre côté, voilà, je suis d'un peu platin. et donc voilà, mais en tout cas, c'est sûr que voilà, on avait décidé d'arrêter parce que voilà, il y avait un quiproquo. Bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Parce que voilà, c'est pas ma langue maternelle, c'est pas évident. Vous voulez qu'on dise le plus librement possible en arrêt spécial, mais en même temps, si on dit quelque chose de mal, on est réprimandé. Donc voilà, fallait trouver un compromis. C'est là qu'est née la Warda. Voilà, c'est vrai que c'est pas simple en arrivée spéciale. C'est peut-être est-ce qu'il faut varier. Moi personnellement, parfois, je me dis que ce serait mieux d'avoir un peu plus d'inside, de caméras embarquées, des endroits placés un peu plus stratégiques dans la spéciale. Moi personnellement, quand parfois je regarde le live, je vois des endroits qu'on filme de la spéciale où je me dis pourquoi ils ont filmé là. Oui, c'est ça, ça apporte rien. La spéciale, elle est magnifique, ils filment l'endroit qui est le moins beau. Ouais. Je me dis, mais c'est pas là qu'il fallait filmer. On a raté un jump, on a raté un endroit un peu spectaculaire, un endroit un peu idéal pour le spectacle. Alors, je sais qu'il y a des problèmes techniques, après là, on va rentrer sur un débat, le côté technique de filmer, etc., avec la retransmission en direct. Mais voilà, il y a des fois où je me dis, mais mince, c'est dommage. Ouais, c'est ça, on pourrait améliorer le truc. On va terminer, mon cher Adrien, avec notre contre-la-montre. On va mettre un timer de 2 minutes. On a une trentaine de questions, répondre du tac au tac. T'as le droit à un joker quand même, on est sympa. Mais est-ce que tu es prêt ? Question piège ou... Ah. Ça devrait aller. Il y a tout, mais ça devrait aller. C'est pour ça que t'as un joker. Voilà, il y a quand même... Ouais, il faut pas l'utiliser tout de suite direct, mais bon, normalement ça devrait aller. Est-ce que t'es prêt, Adrien ? Allez. Alors, top, qui est le pilote le plus sous-coté avec qui tu as pu rouler ? Sous-coté ? Ouais. En rallye 1 seulement ? Ou même globalement. Même dans ta carrière, vraiment. Ah, je vais pas dire Sébastien Ogier, hein. Mais... en sous-coté, je dirais Evans quand même. Ouais, qui fait 5 fois deuxième du championnat. Exactement. On ne donne pas assez de mérite. Et Pioc, le plus fort que tu as affronté, là, par contre, vraiment le meilleur. Ah, ça restera quand même Sébastien Ogier. L'Ob, je n'ai pas rencontré assez longtemps, mais ouais, Sébastien Ogier, forcément. Tanak, quand même. Tanak, là, quand même, sacrée référence. Donc, je dirais ces deux-là. Qui a été jusque maintenant ton meilleur coéquipier ? Dans quel sens ? Alors, le meilleur en performance ou le meilleur avec qui t'entendre et avec qui collaborer, on va dire. Alors, quand j'ai eu la chance d'être le coéquipier de Sébastien Loeb, c'était quelque chose d'un peu grandiose pour moi. Mais en tant que vraiment coéquipier, d'entendre pour faire évoluer les choses, etc., je dirais quand même Thierry Neuville. Le pilote qui t'a fait rêver quand t'étais jeune ? C'était Tanak et Ogier. Ton rallye préféré ? Rallye Monte Carlo, rallye de cœur, spectateur avant, puis de parcourir, etc. Mais en termes de pilotage, c'est pas celui que je mettrais en haut, mais en tout cas, en termes de voilà, le global, c'est le Monte Carlo. Un rallye qui aujourd'hui, pour toi, manque au calendrier WRC. On parle beaucoup de l'Argentine. Je pense qu'il y a l'Australie, et un rallye que j'ai fait qui était vraiment top, c'était le Gibi Rallye. Ah ouais ? Ça, c'était quelque chose. La question piège arrive peut-être en coucou Pirelli. Joker. Très bonne réponse. Hormis le WRC, quelle catégorie est-ce que tu rêverais d'essayer en sport auto général ? Le Dakar. Ouais. Et alors la petite dernière ? Et l'IndyCar. Ah, bah très très bonne réponse Adrien, bravo. Ouais. Ça, voilà, tu as marqué un point avec moi. Et enfin, la dernière, gagner le Monte Carlo et aucun autre rallye de l'année, ou gagner tous les autres rallyes mais pas le Monte Carlo ? Tous les autres rallyes. Parce qu'à la fin, en général, il y a le titre normalement. Exactement. Merci Adrien. Merci à vous. Merci d'être passé. Ouais, merci beaucoup. Cette petite heure ensemble. On espère que ça t'a plu. D'ailleurs, oui, la dernière question qu'on met toujours, de 0 à 10, ça a été comment cette interview ? Je suis méchant ou gentil ? Tu décides. Allez, je dirais 8, il y a toujours de l'amélioration à faire. Exactement. Bah, je crois que c'était Sébastien Ogier, vous avez dit exactement pareil. Donc, comme quoi, il y a déjà du. C'est la note que tu mets à ton début de saison et tu as dit le même argument aussi. Exactement. Voilà, tu vois. Ça va. Tu vois, bon. Donc c'est que c'est pas trop mal. Et pour terminer l'émission, on a ce petit casque ici ouais. qui recèle de petites signatures. On a du Théophile Naël, Dorian Pain notamment, Lisa Billard. On va te proposer de le signer. Allez, également. Théo Pourchaire avait été le premier. Eh ben, je vais signer. Ici, c'est bien. Parfait. Ben voilà. Super, merci Adrien. Et comme ça, dans les prochaines émissions Auto-Hebdo, ben vous aurez la signature d'Adrien Fourmeau qui sera là. Merci beaucoup Adrien. Et puis à très bientôt. On va te retrouver donc là tout de suite, évidemment, avec le Kenya qui va arriver très très vite. Tout le meilleur pour toi et puis pour le reste de la saison aussi. Merci.